Youssef. Youssef. Ok. Dieu, botte na pino, c'est le salut congolais. Tout fin à pino parce que vos albums sont trop laids. Derrière la cam, rote nègre, mon gars d'outre-mer. Si tu n'as jamais pris de claque, je t'offre la toute première. Eh hey, le sale plouc, remballe ton souk qui ne vaut pas un sou au lieu de me les casser sur Facebook. Vous taillez des bips pendant que l'on taille nos mines. J'arrête le rap le jour où je vends autant qu'on lies on me. Tout passé. C'est la pénurie, tu me ragages. De mecs qui kick dur à en faire plier la base. ISFO, la belle du black au gros bras. Je te le répéterai autant de fois qu'il le faudra. On a aussi les soldats galpés comme des cure-dents, mais ils rétablissent la balance étant membrés comme des purs sang. Black brut, de ce nom de scène. Rap comme un esclave que l'on a libéré de ses chaînes. Ah, le squelette est dans le four. Ouais, on m'a dit brut, Bérec a pas le crier. J'ai dit ferme ta gueule et prépare ton billet. Oh, narcissique, le place du G-Pro. Dans le secteur, t'as forcément entendu des échos. Un petit black d'un mètre 70, pas plus, mais qui à chaque track te laisse une cicatrice. Ouais, ouais, ISF, ISF, repeat after me. Avoue que tu trouves l'élément fort, y'a que les pétasses qui nient. Oh, repeat after me. ISF, ISF, repeat after me. ISF, ISF, repeat after me. La concurrence n'a qu'à bien se tenir. Black Brut. ISF Records. Ok. Le squelette dans le four. Ouais, on m'a dit brut, Bérec a pas le crier. J'ai dit ferme ta gueule et prépare ton billet. Oh, narcissique, le place du G-Pro. Dans le secteur, t'as forcément entendu des échos. Un petit black d'un mètre 70, pas plus, mais qui à chaque track te laisse une cicatrice. Ouais, ouais, ISF, ISF, repeat after me.